Tout d'abord, je voulais saluer à la fois l'intervention de Gilles concernant l'histoire de la LDH et puis parfois ses erreurs d'appréciation, ses erreurs d'analyse dans un contexte donné. Ça, je trouve ça assez positif de pouvoir être capable justement d'avoir un retour critique sur sa propre histoire. Et par ailleurs, je rejoins ce qui a été dit du point de vue de la question Kanak. Il était intéressant de souligner ce que M. Ruscio disait en parlant des années 30, avant que n'éclate 20 ou 30 ans plus tard effectivement des conflits violents qui ont mené à une décolonisation. Et effectivement, les accords consécutifs à Ouvéa, c'était il y a 30 ans, c'était il y a une génération et demie, l'air de rien, les premiers accords via le gouvernement Rocard, si je ne dis pas de bêtises. J'avais 15-16 ans à l'époque, mais ça donne quelque chose comme ça, je crois. Non, moi, je voulais essayer de revenir un petit peu sur, justement, nos échecs collectifs sur la manière d'éclairer ces questions-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis 10-15 ans, il y a un travail qui est fait pour, d'une certaine manière, réhabiliter la période coloniale, la période, les périodes de l'Empire colonial français, et en particulier, on le voit sous l'angle des droites, on va dire, ou de l'offensive des droites contre la repentance qui viserait à tout le temps culpabiliser autour de... Après, ça prend toute une série de formes, et vu de, je dirais, à la fois de vos travaux, Monsieur Ruscio, et de vos travaux, Gilles Manceron, peut-être revenir un petit peu justement sur tout ce qui continue de pourrir d'une certaine manière le débat politique français autour de cette question. Et quand je dis de pourrir, c'est-à-dire y compris, je trouve la faiblesse argumentative face aux offensives des droites, lorsqu'elles mettent en avant ou elles cherchent à avoir des projets de loi sur les bienfaits de la colonisation, lorsque justement les droites qui ont été divisées après la guerre d'Algérie tentent d'être réunifiées, et le meilleur symbole en est la décoration par Nicolas Sarkozy des lits de Noix de Saint-Marc, je me rappelle jamais du nom dans toutes ses composantes, non seulement de la décoration par Nicolas Sarkozy, la reconnaissance du parcours de ce monsieur à la fois résistant et putschiste par l'ensemble de la presse, du Figaro à l'obscure revue identitaire tirée à 2000 exemplaires, et du coup la création de fait d'une unité retrouvée des droites permettant de dépasser les clivages antérieurs et du coup de reprendre la main. C'est exactement ce que j'ai dit. Je vous remercie de m'écouter. Oui, donc ça, c'était l'un des volets. Et puis, bien sûr, l'autre volet à éclairer, qui est la question des stèles dans le sud-est de la France, et là, qui peuvent être mises en œuvre par des villes dirigées par l'extrême droite ou des villes dirigées par une droite radicalisée ou par une droite plus classique. Donc, au regard d'aujourd'hui, quelle est l'influence, d'une certaine manière, de cette nostalgérie, ou en tout cas de ce courant colonial maintenu et qui perdure ? Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, moi ma question finalement, effectivement, quand Gérard Longuet fait des bras d'honneur à la lorsqu'il est question de la guerre d'Algérie et de repentance, lorsqu'effectivement cette question des stèles, mais aussi de la débaptisation signant la fin des hostilités entre la France et l'Algérie, comment interprétez-vous politiquement aujourd'hui les réactions de la droite radicale et de l'extrême droite à l'égard de l'Algérie, et qu'est-ce que ça présage à l'avenir en termes de politique entre la France et l'Algérie, enfin du moins des politiques de la France à l'égard de l'Algérie? Et je voulais savoir en fait si vous étiez d'accord avec une réflexion de Saïd Bouamama, qui est un militant anticolonial, etc., qui nous disait qu'en ce moment on recolonise les esprits. Voilà. Donc je voulais savoir votre interprétation de la chose. Oui. Je voudrais poser quelques questions. D'abord, en ce qui concerne, si on prend le... Pardon. Si on prend le putsch des généraux de 61, et si on prend le coup d'État de mai 58 qui a amené De Gaulle au pouvoir. Ce sont les mêmes chefs militaires qui sont devant. Et dans un cas, ça a réussi, et on a essayé de gommer l'aspect coup d'État qui a amené De Gaulle au pouvoir. Et de l'autre côté, le putsch des généraux s'est terminé vraiment de façon grotesque. Donc, comment vous analysez ces deux moments-là qui, à première vue, on pourrait dire, c'est du même genre? Bon, maintenant, un autre point, c'est, il a été question du million de pieds noirs, colonisation de peuplement française en Algérie, je dis française en Algérie, et je gomme le mot métropole, qui est, nous aussi des fois, on le lâche ce mot métropole, et ce mot métropole, c'est une scorie des conceptions coloniales. Il y a la France, il y a des colonies, Algérie, etc., etc. Donc ce million de ce qu'on appelle le million de pieds noirs, et je trouve que c'est dommage que dans le livre Nostalgérie, il n'en ait pas été fait une analyse plus fine. Qui sont-ils? Il y a une fraction qui sont, on va dire, des Français de souche, qui sont venus à partir de 1840, après 1870, et qui se retrouvent dans des fonctions bien précises sur un plan économique en Algérie. Et ils ne sont pas nombreux. Il y a tout un courant des pauvres d'Espagnols qui sont venus dans les années 30 et qui se sont plus en Oranie. Et il se trouve d'ailleurs que c'est là que l'OAS a été la plus virulente dans sa dernière phase. Il y a aussi les Italiens, Maltais, qui sont plutôt de l'autre côté. Et chacun se retrouve dans certaines fonctions économiques. Et il y a, finalement, à l'arrivée, il y a aussi un certain nombre de Juifs, qui sont 200-300 000, qu'on dit pieds noirs d'Algérie. Non, c'est des Algériens, c'est des indigènes. C'est des indigènes, quand ces personnes-là sont venues en France, c'était une émigration de la première génération. Et donc, je pense qu'il y a utilité à regarder de façon fine cette composition sociale de ce million de personnes, parce que finalement, compte tenu du courant algérien qu'il a emporté en 62, compte tenu des termes du compromis d'Évian, je pense que la majorité de ce million de personnes n'avaient plus leur place en Algérie. Ça a pris une forme dramatique du fait de l'OAS, mais fondamentalement, ils n'avaient plus leur place. Et là, quelques dizaines de milliers de certains des militants du FLN qui devaient réussir leur révolution, et pas la révolution du peuple algérien, il fallait qu'ils prennent leur place. Et donc, ça, même si De Gaulle avait certaines illusions sur une possibilité par le plan de Constantine, le compromis d'Évian, de maintenir une certaine présence, je vais appeler quoi, française en Algérie, ce n'était pas ça qui importait, c'était de pouvoir continuer à exploiter le pétrole et faire les expériences nucléaires dans le Sahara. Une question en fait qui est liée à celle qu'a pu poser André, puisque la nostalgérie, moi ça ne me parlait pas trop avant de venir ici, puisque ce n'est pas ma génération. Donc du coup, je vois d'où ça vient, je vois aussi ce que ça peut faire aujourd'hui, mais ma question c'est comment est-il possible que ça soit finalement cette mémoire-là qui prennent toute sa place et pas celle des militants communistes, pas celle de tous ces Français qui, finalement, avaient toute une autre vision de l'Algérie. Est-ce que, en creux, à travers l'étude de cette nostalgérie, on voit cette possible autre vision de l'Algérie, si elle a existé, et si elle a existé, pourquoi elle a disparu? Alors, je commencerai par la fin. Pourquoi cette autre vision n'a pas prévalu? Parce que les porteurs de cette mémoire, d'abord, n'étaient pas très nombreux, et puis ils étaient plus embarrassés et moins conséquents qu'ils auraient rêvé l'avoir été. Je reviens à la question sur la ligne des droits de l'homme au début. Elle peut certes s'enorgueillir d'avoir fait obstacle à la torture ou des choses comme ça, dénoncer la torture, Mais quand je pense aux positions prises à la fin de la guerre d'Algérie, c'est par exemple l'espèce de locomotive qui tirait un peu par la manche la Ligue des droits de l'homme, c'était le comité Maurice Audin, fondé par Pierre Vidal-Naquet, donc un universitaire helléniste, Madeleine Robériou, qui était membre du Parti communiste, bien qu'en dissidence, si je puis dire, et d'autres d'origines diverses, des intellectuels catholiques comme Paul Thibault et autres. Bon. Et c'était eux qui poussaient la Ligue des droits de l'homme à prendre des positions plus radicales qu'elle n'en prenait. Donc quand on revisite le passé de la Ligue des droits de l'homme, ben, on est confronté à cela, si je puis dire. Et les autres forces anticoloniales, d'abord, elles avaient peu de porteurs, elles avaient peu d'acteurs, et elles peuvent se poser des questions, y compris sur les positions qu'elles ont prises. Alors, on ne va pas rouvrir le chapitre du Parti communiste, parce qu'il est très compliqué, les pouvoirs spéciaux en mars, le vote des pouvoirs spéciaux, l'année 56, où se lance la guerre d'Algérie. Bon, c'est quand même une page d'histoire problématique. Alors que, oui, il y a 45, oui, au moment du 8 mai 45, c'est vrai. On ne va pas ouvrir un débat ni une approche de cette question-là, mais c'est compliqué parce que, de ce point de vue-là, par exemple, la France libre. La résistance française. Quand on voit le programme du CNR, il y a actuellement tout un courant qui dit le programme du CNR, tout y était, il n'y a qu'à y revenir, et puis on a toute la solution à tout. Eh bien, sur ce qui est dit sur l'Empire colonial, Georges Bidault, qui présidait le CNR, il faut quand même s'en souvenir, à l'époque, il a été fidèle à ce que disait le CNR sur la question de l'Empire. Hein ? Et dans la France libre, il y avait quelques voix discordantes face à cette majorité restauration de l'Empire. Je pense par exemple à André Philippe, hein, qui était justement un des opposants internes à la Ligue des droits de l'homme dans les années 30, qui critiquait le colonialisme de progrès en étant plus radicalement anticolonialiste. Simone Veil, dont les écrits sont oubliés, mais en 1943, elle fait une critique très radicale de... Oui, bien sûr, c'est pas la ministre, hein, c'est la philosophe. Hein. C'est la philosophe qui est morte, d'ailleurs, fin 1943, peu de temps après, à Londres. Elle fait une critique radicale au nom des principes que la France a mis en avant dans son opposition au nazisme, enfin que les résistants ont mis en avant. Elle dit « Nous devons nous opposer au colonialisme et pas rétablir l'Indochine française, etc., le pouvoir colonial. » Mais considéré comme une douce rêveuse, quoi. Voilà. Donc, problème. Alors, 58 et 61, sans vouloir être trop long, mai 58, c'est un succès, mais c'est quand même des objectifs politiques qui ne sont pas les mêmes qu'avril 61, le putsch des généraux. Là, c'est clair qu'en avril 61, il s'agit du prolongement de la guerre et du pouvoir colonial en Algérie qui est en cause. De Gaulle a profité de cette crise algérienne avec une très grande ambiguïté que lui reprochent les pieds noirs. Vous savez tous le « je vous ai compris » qui n'est pas passé. Il a eu l'habileté et en même temps l'ambiguïté de profiter de cette crise pour accéder au pouvoir, faire la Ve République et tout ça, ça me semble assez différent quand même. Les deux épisodes sont différents, bien que les acteurs côté armée sont en grande partie les mêmes. Mais les objectifs et le contexte politique est différent. Oui, rapidement, parce que je vois que l'errance... s'éclaircissent un petit peu, donc rapidement. Je vais répondre par des formules rapides, et puis bon, si vous voulez, après, si on a encore un petit peu de temps, on restera. Repentance, je crois qu'aucun historien critique je parle, Gilles, je pense, n'en connaît pas non plus, aucun historien critique ne milite pour la repentance. On est dans la demande de constat, de reconnaissance. Ça, c'est évidemment reconnaissance. Je veux dire, quand il y a une telle indécence entre le bras d'honneur de Longuet et l'ampleur des crimes de la période coloniale, on se dit qu'il y a vraiment, c'est presque un miracle que les peuples anciennement colonisés ne soient pas eux plus dans la haine ou la critique radicale de la société française. Donc ils savent faire la part des choses, et tant mieux. Donc en tout cas, on ne demande pas à la France de se repentir, on demande à la France de reconnaître. Et je trouve que, par exemple, le discours sur la question des rafles des Juifs pendant l'occupation avec la complicité de Vichy, le discours de Chirac était exactement, si demain un président français emploie les mêmes termes que Chirac sur les raves de 42, je pense qu'on sera un certain nombre à applaudir, mais on n'en est pas là, même si je ne mets pas sur un pied d'égalité le discours Sarkozy, c'est le discours hollandais, si je peux me permettre. Nostalgérie, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est l'éditeur qui me l'a suggéré. J'ai trouvé que c'est une bonne idée. J'emploie pas ce mot avec mépris et ironie. Hein, je respecte le sentiment de la nostalgérie parce que l'attachement à ses 20 ans, l'attachement à la terre natale est quelque chose de respectable. Et j'ajoute que le mot nostalgérie n'est pas un mot créé par l'OAS et pas par l'Algérie française pendant la guerre de l'Algérie. C'est un mot dont j'ai trouvé la première utilisation en 1902. Donc, vous voyez, presque plus de 50 ans avant le début de la guerre d'Algérie. Donc, respect pour ce type de choses qui est ce que je critique violemment dans mon bouquin, c'est évidemment l'accaparement de ce sentiment juste par une mouvance et l'utilisation politicienne et criminelle. Voilà. Sur les causes de la persistance, je dis dans mon livre, je ne l'ai pas du tout abordé ici, je l'ai marqué dans mes notes, mais j'ai voulu aller plus vite. Il y a quelque chose que je ne suis pas le premier à écrire, mais là je pense vraiment que j'ai apporté vraiment un long développement, c'est sur le fait qu'il y avait ces deux droites face à la question algérienne. Et à l'intérieur même du gouvernement, Gilles a parlé de Michel Debré, il y a quelqu'un qu'on ne cite pratiquement jamais, c'est Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, et moi je consacre une bonne dizaine de pages à l'affaire, ce que j'appelle l'affaire Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing était lié par Michel Poniatowski, qui était déjà son inséparable à l'époque, et un haut cadre de l'OAS qui était dans le cabinet de Giscard, qui s'appelait André Regard. Il y avait donc une sorte de va-et-vient entre l'état-major de l'OAS et le cabinet de Giscard, qui était ministre des Finances déjà à l'époque. Hein, c'était pas un sous-secrétaire d'État, il était ministre des Finances. Donc, et les choses ont été dites publiquement lors du procès de Bastien-Thiry. Giscard, qui à l'époque avait menacé de faire un procès, ne l'a pas fait. Et donc, depuis 50 ans, cette chose-là est ouverte. Et je cite une bonne douzaine de témoignages sur la complicité plus ou moins active, plus ou moins passive. Après, on mettra la barre où on voudra, entre les giscardiens. Et d'ailleurs, je signale en passant que c'est un des gens de l'UDR de l'époque, qui s'appelait Jacques Dominati, qui était conseiller de Paris, qui a quitté le groupe UDR à l'époque pour passer à la mouvance Algérie française. Et comme par hasard, c'est lui qui a été ensuite nommé par Giscard secrétaire d'État aux anciens combattants. Et c'est lui qui a inauguré, je me trompe toujours sur la date, 80. Qui a inauguré le premier monument à la gloire de l'Algérie française à Nice. Hein, À Toulon. Sur mai 58, le putsch 61, Gilles, tu as dit le principal. Sur le thème, les pieds noirs n'avaient plus leur place. Moi, je suis moins radical que vous, mais il est vrai que quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que c'était pas du tout moi, l'objet de mon bouquin, et c'était pas l'objet de la soirée, c'est effectivement la volonté de nombreux cadres du FLN d'évincer les Français. C'est une chose absolument évidente dans le discours. On a même des plaquettes nombreuses des discours, des déclarations officielles du FLN disant non, il y aura une cohabitation pour toutes les communautés. Il reste quand même que dès 1962, le gouvernement algérien, après la prise du pouvoir par Ben Bella en l'été 62, a demandé d'abord aux Français d'Algérie, nés en Algérie, qui étaient donc des Algériens, de demander la nationalité, ce qui n'était pas le cas des musulmans, entre guillemets, a inscrit l'islam dans la première constitution algérienne. Et donc toutes ces choses-là ont fait qu'il y avait effectivement une volonté, et Ben Bella l'a dit d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais je vous incite à acheter ces CD. Patrice Gélinet avait fait une série d'émissions sur France Culture il y a une vingtaine d'années. Radio France l'a transformé en CD désormais. Et on entend le témoignage de Ben Bella qui dit « Nous, en 62, on était contents que les Français partent et on a tout fait pour qu'ils partent. » Donc il y a eu effectivement, ajouté à cela, le phénomène de ce que les Algériens appellent avec une certaine ironie les Martiens. Les Martiens, c'est quoi ? C'est les résistants du mois de mars, un petit peu comme nous, les résistants d'août 44 en France, enfin d'après août 44 d'ailleurs, les Martiens, c'est ceux qui ont rejoint le FLN au moment où toutes les choses étaient faites et qui, d'un seul coup, ont été piqués des appartements, des voitures, des choses comme ça. Donc, pour expliquer la différence de traitement entre la façon dont les gens de gauche et les gens de droite, enfin une partie de la droite, celle qui a été restée Algérie française, la façon dont on a différemment réagi, pour les gens de l'Algérie française, la question algérienne est restée jusqu'à aujourd'hui, ça fait 50 ans, le centre de leur vie. Le centre de leur vie. Michel Tabarot, que vous connaissez, qui a été un temps l'adjointe, secrétaire général adjointe de l'UMP, qui était l'adjointe de Copé. Michel Tabarot est la fille d'un des cadres qui s'appelait Robert Tabarot, qui était un boxeur, qui paraît-il était assez impressionnant, qui est d'ailleurs toujours en vie. Eh bien, Michel Tabarot dit, nous, lorsqu'on était à Alicante, parce que beaucoup d'anciens de l'Algérie française se sont réfugiés en Espagne franquiste, quand on était à Alicante, on ne parlait que de ça. On ne parlait que du bon temps de l'Algérie, et puis comment on va reconquérir le territoire, comment on va tuer la grande Zora, comme il disait, le Charles de Gaulle. Donc c'est vraiment le cœur. Et pour beaucoup, c'est resté encore le cœur. Alors que dans le monde politique de gauche, on a tous eu plein d'autres choses. Moi, quand j'étais ado, les premières choses, j'avais seulement 15 ans à la fin de la guerre d'Algérie, j'ai des souvenirs très, très vagues, en tout cas pas du tout, mais j'étais engagé politiquement assez tôt, tout de suite après. Les premières choses dont on parlait, c'était la grève des mineurs de 63. Hein, on parlait de la grève des mineurs de 63 plus que de l'Algérie nouvelle. Après, nos premières manifs, c'était contre la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam commençait en soi. Enfin, elle avait déjà commencé, mais disons, l'escalade américaine a commencé dès 64-65. C'est-à-dire qu'on était accaparé par d'autres choses. Et puis la génération d'après, c'était la lutte contre l'apartheid, la lutte contre le sionisme. Donc, on avait plein de choses. L'Algérie, la question coloniale, n'était pas au centre de nos préoccupations, et je crois qu'on a péché peut-être par naïveté, parce que le combat mémoriel, on ne l'a pas, je dirais, et on comprend tous ça sur nos épaules, on ne l'a pas suffisamment mené, et on a laissé ce terrain, effectivement, à la droite revancharde et à la droite Algérie française.